sous nos pas. Chaque battement est une promesse, le nom gravé sur nos cœurs. Ridesque. Ils pensaient que rien ne viendrait, mais le désert nous forge, nos chants ne prient pas. Ils appellent Jahut d'Archiknakel. Les torches dansent, les ombres hurlent, chaque pas claque comme un cri de guerre. Nous sommes les veilleurs, et lui notre voix armée. Qui vient par le feu du son, qui commande sans trône, qui frappe et laisse descendre, et qui regarde depuis le sable. Skill, Riders skill.